une histoire particulière. Dans les années 70, Gary Glitter est une des stars d'un rock très britannique, le glam, rock de charme au look paillette et boule à facettes. Pour en arriver là, il a persévéré durant des années et son succès s'avère aussi énorme que fulgurant. Maquillé, il arbore costumes lamés et argentés et il est chaussé d'immenses bottes à semelles compensées. Une musique très percussive, des chœurs de supporters de football et des claquements de mains permanents deviennent sa marque de fabrique. Il impose son style à la fois viril et maniéré, efficace et vulgaire, parfois aux frontières du ridicule. Tout de suite, pour ce second épisode, Philippe Roisès et Julie Béressy nous replongent dans le style Gary Glitter. Pouvez-vous considérer la possibilité que le public pourrait ne plus avoir envie de venir vous voir sur scène? Non. Je sais que les gens veulent me voir. Quand je me promène dans la rue, vous savez, tout le monde me dit « Bonjour, Gary ». Non, c'est inconcevable. Gary Glitter, grandeur, paillettes et décadence. Un documentaire de Philippe Roisès et Julie Béressy. Seconde partie, veux-tu me toucher ? C'est ce même morceau, Rock'n'Roll Partout, qu'on entend en 2019 dans la scène de l'escalier du récent succès cinématographique Joker. Pourquoi donc l'utilisation de cette musique provoqua une levée de boucliers en Grande-Bretagne ? Comment la star des années 70 a-t-elle perdu ses lettres de noblesse et sa gloire passée? Pour le comprendre, il faut aller au-delà des apparences, derrière les paillettes. Il a certainement essayé de devenir une star pendant de nombreuses années. Et il a dû finalement percer quand il avait quelque chose comme 27 ans. James Orrell Cookson, ancien assistant personnel et chauffeur de Gary Glitter. Il avait de manière évidente un problème de poids, parce qu'il adorait énormément manger et boire. Avant de partir en tournée, il devait toujours observer un régime très strict pour réussir à porter ses vêtements de scène. Il a toujours eu à se battre contre son poids. Et puis, il était assez petit, enfin, pas particulièrement grand. Alors, il était bien content que les bottes à semelles compensées soient à la mode dans ces années-là, ce qui lui permettait de gagner quelques centimètres. Pour moi, il avait l'air d'un vieux. Je veux dire par là que vous prenez les photos de Slade, Sweet, Suzy Quatro, Mud, Mishka Assayas. Auteur, passionné de rock. Et, je sais pas, il y avait un côté quand même un peu, moi j'appelais ça prise unique, c'est-à-dire c'est ce côté les vêtements, comment on appelait ça, en tergale, luisant. Mais ils avaient, comment dire, ces coupes de cheveux qui étaient vraiment celles qu'on voyait à l'époque dans les cours de lycée, etc. Alors que Gary Glitter, il avait l'air de sortir d'une BD des années 50. Enfin, il a cette espèce de coiffure absurde qui n'est pas une coiffure qu'on voit dans la rue, qui est une coiffure de théâtre, de scène, un peu d'ailleurs comme Bowie. Je dirais que c'est un peu la version prolétaire de Ziggy Stardust. Voilà, c'est-à-dire que lui, c'est vraiment, c'est pas effectivement le rocker imaginaire qui est devenu fou et qui pense qu'il est originaire d'une autre planète. C'est plus le produit bas de gamme qui fait l'affaire, quoi. Et puis quand on voit effectivement les photos de Gary Glitter, enfin déjà ce nom stupide, enfin il était cheap, quoi. Le modèle inconditionnel de Gary Glitter, c'est Elvis Presley. Mais oui, mais absolument. Et Elvis était totalement ringard à l'époque. Et donc voir ce gars effectivement avec sa coiffure bouffante à la Elvis, on savait pas si c'était sérieux ou si c'était drôle. C'était plutôt pathétique. Il y a une ballade, je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que c'est Remember Me This Way? C'est ça. Hein, c'est une ballade, mais il a un petit filet de voix et il se prend pour Elvis, mais c'est pathétique. Il est très loin du compte. Enfin. Il est cette espèce d'Elvis un peu fatigué, enfin, c'est le Elvis pathétique. I can conceal the way I feel. It's time for me to go. La réussite flamboyante de Gary Glitter va de pair avec une vie privée mouvementée. Dès 1972, le succès a raison de son premier mariage. La célébrité devient vite synonyme de tous les excès. Achat d'un manoir avec piscine et d'autres résidences, d'une voiture de luxe, dépenses incontrôlées, consommation d'alcool et de drogue à outrance, hystérie des fans et forcément, conquête féminine facile. En 1974, Gary Glitter, c'était déjà une grande star en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est vrai qu'il ne pouvait même plus marcher dans la rue sans que ses fans le poursuivent ? Oui, c'était difficile de se déplacer. Les fans savaient où se trouvait son appartement du quartier de Kensington, à Londres, et il y en avait toujours qui traînaient autour. Il fallait vraiment courir pour sortir ou rentrer dans la voiture lorsqu'il avait rendez-vous dans un restaurant, par exemple. Le soir, c'était plus facile, mais pour lui, marcher dans la rue en journée était presque impossible. Certains de ses fans étaient très jeunes. Après les concerts, certains attendaient devant l'entrée réservée aux artistes. Il fallait se barricader à l'hôtel, et parfois, il y avait littéralement des milliers de fans à l'extérieur. C'est une situation qui stressait beaucoup les responsables des hôtels. Il arrivait que Gary me demande d'en faire monter 5 ou 6 jusqu'à sa suite, pour leur dédicacer quelques disques, discuter et passer du temps avec eux. Il y avait une telle pression qu'il autorisait fréquemment les fans à venir dans sa loge ou à l'hôtel. Les musiciens de Gary Glitter, que les journalistes appellent The Glittermen, avant qu'ils se baptisent eux-mêmes The Glitter Band, aimeraient bien devenir une entité musicale à part entière. Gary Glitter ne voit pas cette volonté d'émancipation d'un très bon œil. Mais le producteur Mike Leander leur donne finalement le feu vert, après avoir scrupuleusement écouté leurs premiers enregistrements. Il s'investit dans la confection de leur album, et The Glitter Band prend son envol en 1974, avec succès. Je pense qu'il y avait un fort degré de ressentiment chez les musiciens du fait qu'ils avaient un salaire fixe sans aucun droit supplémentaire puisqu'ils n'avaient pas joué sur les disques de Gary. Et très souvent en tournée, ils dormaient dans des bien moins bons hôtels que lui. Celui qui peut parler le mieux des rapports entre Gary Glitter et ses musiciens, c'est sans doute Pete Phipps, le batteur du Glitter Band. C'était la star, et on était juste le groupe d'accompagnement. Nous n'étions pas amis, on travaillait juste pour lui. L'équipe qui installait le matériel était mieux traitée que nous. On avait envie de se détacher de lui, d'enregistrer nos propres disques, de faire nos propres concerts. En tant que groupe, on voulait avoir notre propre identité. Gary était assez contre, à l'époque. L'idée qu'on fasse nos propres disques ne l'a pas rendu fou de joie. Gary n'appréciait pas beaucoup qu'on ait notre propre succès. Ce n'était pas tant de la jalousie que son tempérament artistique. Être au centre de l'attention, pas celui avec qui on collabore. La période glam, elle a été quand même assez brève. Ça allait aussi avec ce qu'on appelait la mode rétro. Parce que le glam a ce paradoxe de reprendre des éléments archaïques, de rock'n'roll ringardisé, et d'annoncer en même temps le disco, avec les tenues pailletées, le sens de la fête, la joie, et l'absence, le refus de se prendre au sérieux. Au tout début, il y a un paquet de musiciens qui ont été voir des groupes de punk rock pour voir à quoi ça ressemblait. Et en effet, ils ressortaient un peu verts parce qu'ils se rendaient compte que oui, il y avait un truc qui arrivait là, que c'était une vague qui allait les noyer, quoi, c'est sûr. Éric Desbris, musicien. Il y a quelques-uns un peu malins qui en ont profité, comme Marc Bolam et T-Rex, qui lui a monté une tournée avec les Damned, qui a surfé sur la vague punk rock jusqu'à ce qu'il ait son accident. Et il y en a d'autres qui, en effet, ont pris une grande tarte dans la gueule parce que leur machin passait plus, quoi. C'est qu'ils se sont retrouvés à jouer devant des trentenaires et les mômes avaient disparu de la salle, quoi. En 1976 et 1977, voient respectivement l'éclosion puis l'explosion du punk rock, rejeton illégitime du glam, qui devient finalement son fossoyeur. En France, Éric Débris forme Métal Urbain. C'est aussi ça, quelque part, qui amène aussi cette envie de faire du punk rock, c'est que dans tout ce qui était glam et co, c'était peut-être un peu trop lisse finalement sur scène. C'était tellement des shows réglés que on avait aussi envie d'un truc un petit peu plus guingois, un petit peu plus vrai, quoi. La musique qu'on avait envie d'entendre n'existait pas. Bon, il y avait en effet le glam rock, etc., mais ça semblait un peu inaccessible quelque part. C'était fait par entre guillemets des vrais musiciens. Avec des vrais auteurs, etc. Enfin, il y avait un espèce de truc qui faisait que... mais ça va être compliqué de faire ça. Et en même temps, une musique plus violente que ça n'existait pas. Il y avait quelques morceaux de glam qui étaient bien, et des grosses guitares. Mais il y avait un petit truc qui manquait. Donc on avait envie de faire ce petit truc qui manquait. Le petit truc qui manquait, c'était de jouer plus vite, plus fort, avec des sons plus distordus, et brailler plus fort, et puis d'avoir une attitude scénique encore plus outrée que le glam. Sa fortune dilapidée, incapable de payer ses impôts, Gary Glitter perd tout. Au début des années 80, ruiné, il est hébergé par les Brown, qui devinrent la famille qu'il n'avait jamais eue. Entamant une relation avec une des filles Brown, Allison, 18 ans, il semble repartir du bon pied. Il revend les droits d'une partie de ses chansons et organise une vente aux enchères de ses tenues de scène pour éponger ses dettes. Mais musicalement, il n'a plus rien à offrir. Privé du producteur Mike Leander, ces nouvelles chansons sont insipides. Gary Glitter, 2002. Durant cette période d'excès, je me suis senti comme si j'avais été violé, comme si j'étais une victime. Et je l'ai été. Bien sûr que je me suis violé moi-même, si violemment. Tout ce que je voulais, c'était me nettoyer, me laver. Et j'y suis arrivé, je me suis nettoyé. Il s'est installé avec Allison, qui était devenue sa compagne depuis un bon moment. Ils se sont installés dans une charmante petite maison de campagne, dans la région du Somerset. Ils avaient l'air très heureux ensemble. Ils avaient une maison, un chien. Ils partaient se promener, allaient au pub du coin. Ils vivaient une vie normale. Gary courait pour entretenir sa forme. Il semblait bien plus relax, calme et détendu. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris en 1992 que Allison Brown avait quitté Gary Glitter et donné beaucoup de détails sur leur relation dans la presse? J'ai pensé que ça avait dû très mal se passer entre eux, mais que c'était vraiment une démarche très méchante de la part d'Allison. Je suppose qu'elle s'est dit que vendre son histoire à la presse à scandale constituait un bon moyen de se faire de l'argent. J'ai pensé que c'était triste et déloyal. Les révélations d'Alison Brown à la presse, après 12 ans de vie commune, n'étaient cependant pas anodines. Elle y décrit une relation sous emprise, ayant commencé lorsqu'elle avait 14 ans et non 18. Une relation de violence, faisant écho à de vieilles rumeurs de viol balayées dans les années 70. Mais ce n'est là que le prélude à d'autres affaires à venir. Gary Glitter devant la presse, 1999. I deeply regret. Je regrette profondément ce que j'ai fait et qui m'a coûté une peine de prison. J'ai purgé cette peine. Je veux oublier tout cela et pouvoir vivre ma vie. C'est en 1999 que s'est déroulé un premier procès lors duquel Gary Glitter a été reconnu coupable de téléchargement de photos de pornographie pédophile. Karen McVeigh, journaliste au Guardian. Lors du procès de 2015 à Londres, le jury était au courant de cette condamnation de 1999 de Gary Glitter, mais pas d'une autre condamnation en 2006 au Vietnam. Il avait été condamné à 3 ans de prison là-bas pour abus sexuels sur mineurs. Mais en tant que journaliste, moi je le savais. Gary Glitter, à la sortie de son procès au Vietnam, 2006. Quelle est votre réaction à cette condamnation ? C'est incroyable. Vous repentez-vous pour ce que vous avez fait ? Non, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Je suis innocent. C'est une conspiration montée par, vous savez qui ? La presse. Gary Glitter fut la première personne à être arrêtée suite à l'opération U-Tree, un vaste coup de filet, après le décès de Jimmy Savile en 2011 et les révélations de ses abus sexuels sur des enfants. Jimmy Savile était un animateur télé. C'était une célébrité très très connue en Grande-Bretagne. Et il était vu comme quelqu'un de bien parce qu'il s'investissait dans des œuvres caritatives. C'est à ce moment-là que 3 femmes ont porté plainte contre Gary Glitter pour des faits s'étant déroulés entre 1975 et 1980. Ce qui m'a rendu triste, c'est que des gens comme Gary Glitter et Jimmy Savile avaient l'occasion de rencontrer beaucoup d'enfants qui les adoraient. Qui sait combien d'enfants, combien de vies ont été affectées? Ils rencontraient des jeunes qui étaient fragiles parce qu'ils n'étaient pas forcément aussi protégés que d'autres par leurs parents. Le procès de 2015 à Londres n'a pas été très long, environ 3 semaines. Et Gary Glitter était inculpé d'une dizaine de chefs d'accusation d'abus sexuels sur 3 enfants, la plus jeune d'entre elles ayant 8 ans à l'époque. Ce qui était douloureux, c'était l'âge qu'avaient ces enfants. La plus jeune, une voisine, avait été accueillie par Gary Glitter dans son manoir. Il l'avait fait venir dans sa Rolls-Royce. Elle avait eu accès à une pièce remplie de bonbons. Elle était toute heureuse de se retrouver dans une sorte de maison du bonheur. Et ensuite, elle a expliqué la grande confusion mentale qu'elle a connue. Elle a donc expliqué que Gary Glitter s'était introduit dans le lit où elle dormait et qu'elle ne comprenait rien à ce qu'il essayait de lui faire. Elle a tenté de s'éloigner de lui jusqu'à tomber entre le bord du lit et le mur, incapable de lui échapper. Puis, elle a dit, je sentais que quelque chose allait se briser, et c'était moi. Ensuite, elle est allée à la salle de bain pour se nettoyer, et elle a alors découvert qu'elle saignait. C'était une petite fille, c'était vraiment déchirant. Pendant des années, elle n'a pas réussi à en parler à qui que ce soit. Elle a gardé secret cette agression durant plusieurs décennies. He didn't show any emotion. Gary Glitter donnait l'impression de ne laisser transparaître aucune émotion. Il avait une apparence très froide. Il est arrivé au tribunal avec un chapeau et des lunettes noires, comme pour se donner une contenance. Au fil du procès, il semblait être dans le déni complet parce que les témoignages et les preuves avancées par ses filles, qui sont des femmes aujourd'hui, étaient renversants, convaincants et douloureux. Moi, je les croyais, ces femmes. Gary Glitter était dans le déni complet de chacun de ces témoignages. À propos du cas des deux autres femmes, l'une d'elles a raconté que sa mère l'avait amenée à un concert de Gary Glitter, qu'elle l'avait laissé le rejoindre seul dans sa loge et qu'il lui avait demandé de s'asseoir sur ses genoux. Ensuite, il s'est jeté sur elle. Sa ligne de défense était d'ailleurs très étrange. Il prétendait qu'il était impossible que des fans soient venus le voir dans sa loge. Il a rejeté toutes les accusations en répétant que c'était impossible. Il prétendait qu'ayant perdu très jeune ses cheveux, il portait une perruque et qu'après chaque concert, il se dépêchait de rentrer dans la suite de son hôtel pour la nettoyer et l'entretenir avant d'aller se coucher. Il a affirmé qu'il n'avait jamais accueilli personne dans sa loge après un concert, puisque c'était quelque chose qu'il devait faire chaque soir. Je ne me souviens d'aucune émotion que son visage aurait pu traduire. Le seul moment où il a ressenti quelque chose, c'est lorsque des questions lui furent posées à propos de sa condamnation de 1999 pour détention de photos de pédopornographie. À ce moment-là, il s'est écroulé en sanglots et il a dit qu'il était désolé. Il a dit « J'ai perdu ma dignité, je suis vraiment désolé ». Mais il semblait ne pleurer que sur son propre sort, sa propre folie, sa carrière brisée, la honte qu'il a ressentie après coup. Il a affirmé que cette condamnation avait détruit sa vie. Mais il n'a jamais exprimé le moindre remords à l'égard des victimes. Le seul moment où on sentait qu'une étincelle l'habitait, c'est lorsqu'il a parlé de la Glittermania, de sa gloire passée et de sa carrière. Since I've been away, I was waiting for the day I could stand on this stage and see you again. He was sentenced to 16 years in jail for sexually abusing. Gary Glitter a été condamné à 16 ans de prison pour 6 chefs d'inculpation retenus. 6 offenses, 1 un de tentative de viol, un de relation sexuelle avec une fille de moins de 13 ans et 4 d'attentats à la pudeur. Jusqu'au bout, il est resté dans le déni complet de ce qu'il avait fait, du pédophile qu'il était. À la fin du procès, il a envoyé des baisers en direction du banc réservé à la presse, ce qui m'a fait frissonner. C'était horrible. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. C'était comme une sorte d'adieu à la scène, un baroud d'honneur. J'étais très, très en colère. Je ne pouvais pas y croire. Ça semblait si irréel. C'est très dévastateur. Les fans qu'on a pu avoir devaient être très surpris. Bien évidemment, les victimes de ces crimes voient leur vie profondément affectée. C'est dévastateur pour tout le monde. So yes, it's devastating for everybody. James Soray Cookson. Well, first thing I thought he was an idiot to have taken. Eh bien, j'ai d'abord pensé que c'était un idiot d'avoir amené son disque dur rempli de photos pédophiles à réparer. C'est tellement stupide. J'ai pensé qu'il s'était comporté également très stupidement lors de son procès au Vietnam, en étant arrogant et en se croyant au-dessus des autres. Je pense qu'il s'est encore plus mal comporté et s'est montré sous un encore plus mauvais jour depuis. Comme s'il s'agissait de deux personnes différentes, dans deux vies différentes. Il semble qu'il n'a plus rien à voir avec l'homme que j'ai connu lorsque je travaillais pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pathétique. Vous savez, ces gens, quand vous écoutez leurs chansons, ils ont pas vraiment d'existence humaine, quoi. Enfin, c'est des effigies. Vous avez pas envie de savoir ce qu'ils font dans leur cuisine ou dans leur salle de bain ou dans leur chambre à coucher. Donc, quand vous apprenez ça, c'est gênant. C'est que vous êtes obligé de regarder par le trou de la serrure dans un appartement. Vous avez aucune envie d'entrer, quoi. Enfin, donc, je sais pas. Je vais vous dire une chose. Si j'avais appris ça de Bob Dylan. Là, ça m'aurait perturbé considérablement, parce que c'est quelqu'un qui a mis sa vie, ses affects, ses espoirs, ses désespoirs, enfin tout ce qu'il y a d'humain dans ses chansons, et qui m'a fait vibrer, parce que j'ai reconnu en lui une sorte de grand frère, un peu fou, mais enfin... Mais là, bon, Gary Glitter, je me suis jamais vraiment intéressé à ce qu'il avait dans la tête. Donc si c'est un égout qu'il a dans la tête, voilà, c'est bien dommage. L'étoile a définitivement cessé de briller, même si de nombreux fans veulent continuer à séparer l'homme Paul Gadd de l'artiste Gary Glitter. Il purge désormais sa peine de 16 ans de prison. À de rares personnes, il a confié que lorsqu'enfant il a séjourné à l'orphelinat, il avait lui-même été victime d'abus de toutes sortes. À son retour du Vietnam, un ami lui conseilla à maintes reprises d'aller voir un psychiatre. Paul Gadd refusa obstinément. C'était Gary Glitter, grandeur, paillettes et décadence. Avec James Soray Cookson, Mishka Assayas, Pete Phipps, Eric Desbris et Karen McVeigh. Archivina, Inès Barja. Traduction, Bertrand Richard. Avec les voix de Charlotte Kémy, Frédéric Boquet et Romain Lemire. Prise de son, Alexandre Abergel, Olivier Dupré, Philippe Mercher, François Rivalan et Thibaut Nassinben. Mixage, Bernard Laniel. Merci à Christian Edlin, Jeanne Cache, Jean-Gilles Callas, Henri-Paul Tortosa et Hervé Scott Flamand. Coordination, Christine Bernard, avec la collaboration de Daphné Abgral. Réalisation, Julie Bérécy. Un documentaire de Philippe Roisès. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Nous marcherons sur les traces du professeur Jean-Martin Charcot. Mais c'est une autre histoire.